Les amis du grain des mots. Des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des lecteurs, des lectrices, des rencontres et des livres, les amis du grain des mots. Et les amis du grand des mots sont toujours sur Radio Clapas 93.5 avec aujourd'hui au micro Christian. Bonjour à toutes et à tous. Et Marc, et à la technique Pierre-Jean. Voilà, merci. Pierre-Jean à la technique, sans qui vous ne nous entendriez même pas. Pierre-Jean qui est en train de rire quand on se prend les pieds dans le tapis, c'est pas très charitable. Voilà, on en se prend la langue dans le micro. Alors, une émission un petit peu éclectique aujourd'hui, on va parler d'un certain Morrison. Jim de son prénom, si ça vous dit quelque chose. Voilà. Non, c'est pas Tony, effectivement. On vous parlera aussi de deux éditeurs que nous aimons bien. Il y en a un dont on ne dira pas le nom. Oh, mais peut-être qu'on dira le nom, mais à la fin quand même. Voilà, bien sûr. On révélera quand même. On vous parlera de détails aussi, puis vous aurez droit à un billet d'humeur, c'est une nouveauté du jour. Voilà, c'est parti pour tout ça et nous commençons avec Jim Morrison. En ouvrant la porte, si je puis dire, sur Jim Morrison. Les portes de la perception de Doors. Thank you. filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Cops in cars, the topless bars, never saw a woman. With a little girl in an Hollywood bungalow. Ça vous dit quelque chose? LA Woman, Jim Morrison. Eh bien, il existe aux éditions Bourgois, dans cette belle collection de poches qui s'intitule Titre, c'est le numéro 191 plus précisément, un recueil des derniers poèmes de Jim Morrison, ce recueil qui s'intitule Wilderness, qui correspond très bien au comportement dans la vie de ce chanteur charismatique des Doors. Ce recueil est particulièrement intéressant parce que Jim Morrison, bien entendu, il est connu pour être, encore une fois, je le redis, un chanteur de rock qui en fait a eu une gloire assez fugace puisqu'il est mort le 3 juillet 71 à Paris. Et sa compagne de l'époque, une certaine Pamela, après son décès, est retournée à Los Angeles avec des carnets qu'il n'avait cessé de remplir. Il écrivait de façon tout à fait constante. On le sait un petit peu moins. On le sait bien sûr, mais de façon moins affirmée, tant l'image de la star du rock a quelque peu effacé celle de l'écrivain et du poète qu'il était. Donc Wilderness recueille ses derniers textes. Je vais vous en lire deux brefs qui nous donnent une idée assez précise de ce qui faisait agir Jim Morrison et de ce qui aussi malheureusement a fait qu'il a disparu si tôt à l'âge de 27 ans. Pourquoi ce désir de la mort? Un papier vierge ou la pureté d'un mur blanc? Une fausse ligne, une rature, une faute ineffaçable? Si obscur en ajoutant des millions d'autres, décalque, brouille-la, recouvre-la. Mais la rature originelle reste écrite en sang d'or brillante. Désir d'une vie parfaite. Vous avez bien entendu ça, la rature originelle. Un autre texte, bref, qui en dit aussi beaucoup sur ce qu'était Jim Morrison et la façon dont il vivait sa condition de héros, parce qu'on disait ça à l'époque, hein, il y avait des guitares héros, les chanteurs connus étaient comme ça, c'était des sortes de dieux païens d'une certaine façon. Il y a un texte qui s'intitule « Sur la route ». Peur de la mort en avion. Et la nuit était ce que la nuit devait être. Une fille, une bouteille et un sommeil bienheureux. J'ai enfoncé ma graine jusqu'au cœur de la nation. Injecter un germe dans la veine de sang psychique. Maintenant, j'embrasse la poésie du business et je deviens pour un temps un prince de l'industrie. Et c'est vraisemblablement cette industrie-là qui est à l'origine du décès de beaucoup de ces musiciens de l'époque. On pense à Janis Joplin, on pense aussi bien entendu à Jimi Hendrix. Et là, on entend bien que Jim Morrison, prince de l'industrie. Évidemment, il y a comme un hiatus. Et ce hiatus-là a certainement fait partie de son mal-être. Jim Morrison, Wilderness, aux éditions Titre, chez Bourgois, collection de poches. Je vous le recommande tout particulièrement. Voilà, comme quoi les musiciens de rock, qui sont des stars pour certains, ou du folk, peuvent être aussi des grandes plumes, des grands écrivains. C'était son cas. On va pas parler de Dylan, qui a eu le prix Nobel, mais on peut quand même le mentionner. On peut mentionner. Mais je pense à quelqu'un comme Patti Smith aussi, qui est une sacrée plume. John Lennon a écrit des choses dadaïstes assez étonnantes aussi. Voilà. Donc, Leonard Cohen aussi, qui a été romancier même. Leonard Cohen, oui. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, Léonard Cohen. Je pense qu'un jour, peut-être, nous consacrerons un peu plus de temps à la poésie de Léonard Cohen, qui vraiment le mérite. Voilà, donc ça, c'était Jim Morrison, qui n'était pas que un des musiciens des Doors. Alors, on va parler d'un éditeur qu'on aime bien, un peu de l'actualité d'un éditeur qu'on aime bien. Un éditeur dont on vous a déjà parlé ici, c'est pour ça que je vais permettre de rappeler un petit peu, faire une petite piqûre de rappel, et puis évoquer les nouveautés qui vont paraître ou qui viennent de paraître chez lui. Cet éditeur, il a un nom qui fait très anonyme. Oui, c'est un passant, un promeneur. Un passant, un promeneur, un anonyme, on ne sait pas trop qui c'est. Un anonyme. Un éditeur qui s'appelle Kidam. C'est un drôle de Kidam. Un éditeur dont on a... Moi, j'ai découvert, à l'occasion de la Comédie du Livre, qui était consacrée à la Grèce, parce qu'il a traduit plusieurs auteurs grecs. Donc, on pourrait feuilleter son catalogue. Pardon. Par exemple, c'est Christos Economou, qui était venu à Montpellier, qu'on qualifie du Faulkner grec. J'en ai déjà parlé, je crois, à une ou deux reprises ici. C'est Mihaly Ganas aussi, un poète grec moins connu. Les deux sont traduits par un immense traducteur du grec vers le français, qui est Michel Volkovitch. Mais Kidam, c'est pas que des auteurs grecs. Il y en a d'autres. Il y a par exemple Yanis Tsirbas avec Victoria n'existe pas, dont j'ai parlé ici, qui a un extraordinaire récit sur la crise et l'immigration. On pourrait citer plein d'autres auteurs, et je vais vous parler des prochaines parutions prévues ou qui viennent de sortir chez Kidam. Je n'ai pas forcément tout lu, mais je vais les mentionner quand même. Un auteur québécois, Éric Plamondon, qui est né en 69 à Québec, et on a un récit qui s'appelle Takawan. Il a quelque chose à voir avec les musiciens connus, Plamondon, non? Alors, je ne saurais dire, non, 1969, à mon avis, il est un petit peu jeune. Oui, tout à fait, peut-être bien. Voilà. Peut-être un une récit, filiation, peut-être, je ne sais pas. Peut-être. C'est un récit dont on peut, un livre sur lequel on peut déjà lire quelques articles sur les réseaux sociaux. Il y a quelques lecteurs qui l'ont déjà reçu et qui en ont dit grand bien. On vous en reparlera prochainement, mais on vous encourage à découvrir. Donc, Takawan, ça s'écrit T-A-Q-A-W-A-N, de Éric Plamondon, et ce sera prochainement, je crois que c'est déjà en librairie, chez Kidam. C'est donc à la librairie du Grain des Mots. Notamment la librairie du Grain des Mots, bien entendu. Et puis, une auteure suisse... Ça fera peut-être sourire Christian, parce que je parle assez souvent de littérature suisse. Je ne sais pas pourquoi, il y a un tropisme suisse chez Marc. Voilà, allez donc savoir pourquoi. Une auteure suisse, Eleanor Frey, qui est suisse-allemande. Donc c'est une langue, c'est un livre écrit en allemand, qu'on découvre un petit peu en France. C'est une dame qui a 80 ans à peu près aujourd'hui, je crois. Il y avait un premier récit d'elle, un roman, récit ou recueil de nouvelles, on ne sait pas vraiment. Ça, c'était pas chez Kidam, par contre. C'était pas chez Kidam, c'était chez Fayard, il y a quelques années, État d'urgence. Je reconnais la jaquette. Et c'est une auteure tout à fait intéressante, on n'est pas dans du polar ou du récit ou local. C'est une auteure, si ça vous dit quelque chose, qui fait penser à certains moments à Henri Michaud ou à Maurice Blanchot. Rien que ça. Rien que ça, oh oui, absolument. On est dans un imaginaire littéraire et onirique très fort qui procure un sentiment d'étrangeté lorsqu'on lit son ouvrage et qui, en même temps, c'est un peu le livre qui est en train de se faire, qu'on est en train de lire. Ça s'adresse au lecteur, Et c'est aussi troublant que pour ceux qui connaissent que les récits de Maurice Blanchot, par exemple, qui sont ces récits qui oscillent entre fiction, philosophie, réalité, adresse au lecteur, rêverie ou confession du narrateur, on ne sait plus trop. Et ce sont des textes forts et très troublants. Léonore Frey, c'est le même registre, si je puis dire. Alors là, celui qui va sortir au mois de février s'appelle « En route vers Okhotsk ». Je sais, oui, voilà. Okhotsk, ça s'écrit O-K-H-O-T-S-K. Difficile à prononcer. Voilà. Et puis, bah, c'est aussi cet éditeur qui a publié, je vous en avais parlé ici, qui a publié Stéphane Van der Hagen, hein, qui a publié Charognard il y a quelques années, et puis récemment Ritournelle à tous les airs. Voilà. Sous-titre Ritournelle. Hein. Donc, un éditeur à découvrir. Voilà deux titres que je vous recommande de guetter en librairie et puis éventuellement bah, d'ouvrir et de vous laisser séduire. Et puis, un éditeur à suivre. Allez voir sur leur site tout ce qu'ils publient, tout ce qu'ils ont publié. Notamment, il y a eu Erwan Larreur, dont on a beaucoup parlé, qui est le livre à la rentrée. Le livre que je ne voulais pas écrire. Vous savez, c'est cet écrivain qui était... pris dans les attentats du... la salle de concert. Du Bataclan. Du Bataclan, voilà, merci. J'ai des trous aujourd'hui. Et donc, qui raconte comment il s'en est sorti et puis tout l'impact que ça a eu pour lui et sur son entourage. Un livre assez extraordinaire qui échappe à tout sensationnalisme et à tout voyeurisme. Un magnifique livre qui a d'ailleurs été récompensé depuis que nous en avons parlé ici. Voilà, donc Kidam, un éditeur à suivre. Et puis, on va faire une petite pause musicale avant de vous parler d'un autre éditeur tout aussi audacieux et plus prestigieux, plus connu en tout cas. How Insensitive, c'est Dexter Gordon et vous êtes sur Radio Claplas 93.5 avec les amis du Grain des Mots. Voilà un enregistrement de Dexter Gordon qui mène un grand ensemble, un enregistrement qui date de 1977. Bel enregistrement, un beau disque qui s'appelle Sophisticated Giant. Voilà, alors nous allons nous plonger, non pas dans le catalogue de l'œuvre de Dexter Gordon, mais dans un autre catalogue. Eh oui. Oui, oui, nous allons, je vous propose de feuilleter en notre compagnie un catalogue. Un catalogue évidemment de littérature, un catalogue qui répertorie une édition nombreuse de livres. Ce catalogue s'ouvre sous les auspices suivantes. Tu aimais le mot et tu aimais la chose, et reine d'Égypte te convenait assez bien. C'est une phrase qui est issue du dernier roman de Jean Frémont, qui s'intitule « Calme-toi, lison », qui a été édité en 2016 par l'éditeur dont je vais feuilleter sous vos yeux le catalogue. Oui, pourquoi ? Plutôt à côté de vos oreilles, mais bon. Oui, mais bon, c'est vrai. C'est une façon de parler sous vos yeux, et puis ça fait image, voilà. Nous trouvons dans ce catalogue, alors je vais feuilleter rapidement, hein, bien entendu, puisqu'il y a plusieurs centaines d'auteurs qui ont été édités, René Belletto. Vous connaissez certainement René Belletto, L'Enfer, La Machine, Loin de Lyon. Comment vous dire, André Benchetrit, qui a édité Le Ventre, je crois qu'à partir de là, il y a eu un film qui a été édité. Robert Bobert, Quoi de neuf sur la guerre. Et puis, On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux. C'est Robert Bobert, ça, voilà. Et puis, Elisabeth Badinter, évidemment, qui a été édité. Olivier Cadio, qui a écrit récemment, chez le même éditeur, les deux volumes d'une histoire récente de la littérature. Bon, je vais vous donner d'autres noms, ça fait peut-être écho. Jean-Yves Sandré, Principe du cochon, ça vous dit rien ça, Jean-Yves Sandré? Eh bien écoutez, allez donc voir un petit peu de ce côté-là, je pense que vous ne serez pas déçus. Denis Cooper, Closer, Guide, Try, Frisk, Défait, Période, voilà, Denis Cooper. Serge Danet, ça vous dit rien non plus ça? L'exercice a été profitable, monsieur. La maison cinéma et le monde, Serge Danet et le cinéma. Quand même. Grand critique. Voilà, ça veut bien vous dire quelque chose, bien entendu. Henri Deluis, qui est un poète et qui est surtout, comment vous dire ça, un herméneute, quelqu'un qui a porté à la connaissance du public le plus large la poésie en France. Donc Henri Deluis. Colette Delblé, quelque chose de très doux. Bon. Je continue à feuilleter, alors effectivement pour vos oreilles et non pas sous vos yeux. Jacques Dupin, poète, critique, essayiste, esthéticien, Écart, Échancré, Le Grésil, Coudrier, grand poète. Allons-y un peu plus loin, donc voyons un petit peu qui vais-je vous proposer. Oh ben, incontournable, Marguerite Duras, ça vous dit quelque chose Marguerite Duras? Outside, La Douleur, magnifique livre, La Douleur, La Vie Matérielle, La Pluie d'Été, c'est tout. Cahier de la Guerre et autres textes, Marguerite Duras, bon, qui est certainement pour quelque chose dans la réussite de notre éditeur. Jean Frémont, Le Jardin Botanique, La Vraie Nature des Ombres, Gloire des Formes, bon. Pascal Garnier, moins connu, Surclassement, L'Année Sabbatique, voilà. Donc, bon, et puis écoutez, Emmanuel Occar, ça vous dit rien non plus? Emmanuel Occar, allez-y donc voir, Emmanuel Occar, Un test de solitude, Le Consul d'Islande, Mahé, L'Invention du verre, Méditation photographique sur l'idée simple de nudité, tout un programme, non, quand même, voilà, Emmanuel Occar. Et puis, j'en terminerai là pour ne pas vous assommer de titres et de noms, Charles Julliez. Mon très cher Charles Julliez, un auteur auquel je tiens son journal. Tout particulièrement, oui, son journal. Je vous précise que le dernier volume, enfin le dernier à ce jour, bien évidemment, vient de paraître chez notre éditeur. Alors cet éditeur... Qui a aussi publié des traductions, parce que là tu n'as pas mentionné beaucoup d'auteurs étrangers. Quelques-uns. Si je me souviens bien, nous avions eu à Montpellier un auteur italien, Marco Lodoli. Absolument. Qui publiait. Tout à fait. Qui publiait chez notre éditeur, tu as parfaitement raison. Alors cet éditeur, il est né en 1944 à Valréas. Malheureusement, on ne peut pas dire moins, il est décédé le 2 janvier 2018 sur une route de Marie-Galante. Cet éditeur, c'était l'éditeur qui a créé la célèbre édition à la couverture connue, ce papier un peu gaufré, ce graphisme simple en bleu, ces quelques points, P-O-L, les éditions P-O-L, Paul Otschafkowski, Laurence. P.O.L., une référence. Bien entendu, vous trouverez tous ces livres, et sinon vous les commanderez à la librairie du Grain des Mots de Montpellier. Mais nous ne pouvons que vous recommander, après Quidam, P.O.L. Poursuite, suite, chute libre. C'est extrait d'un disque qui s'appelle Coïncidence, qui est un disque de Stéphane Oliva. Là, vous avez entendu Stéphane Oliva au piano, bien évidemment, mais également, j'oublie toujours son nom, Bruno Chevillon, alors que j'aime beaucoup sa façon de jouer, à la contrebasse, non seulement à la contrebasse, mais à l'Olympia. L'Olympia étant une machine à écrire, chère à beaucoup d'écrivains, je crois que c'est le cas de Paul Auster. Voilà, c'était notre rubrique catalogue. Après, la prochaine fois, nous ferons Manu France. On fera Manu France, le catalogue de la Redoute, si vous voulez aussi. Bon. Verbaudet, j'aimerais bien également. Voilà, également. Bon. Blague à part, alors, après ce piano incisif, oui, et qui tape un peu du poing sur le clavier, oui, Tu as un billet d'humeur, peut-être, que tu pourrais nous faire partager. Oui, il y a un billet d'humeur, oui, c'est exact. Tu vas, à ton tour, taper sur... Oh, sur quoi ? Je ne vais pas taper sur la table parce que ça s'entendrait à l'enregistrement de notre émission et ça serait désagréable. Notre technicien serait très mécontent, donc nous ne sommes pas là pour ça. Non, c'est un billet d'humeur parce qu'il y a effectivement dans l'actualité des moments qui, à mon avis, doivent susciter des réactions qui ne peuvent pas nous laisser comme ça complètement amorphes et inertes. Alors j'ai intitulé ce billet d'humeur « Shit Hole ». Réjouissons-nous. Nous le savons désormais, c'est une certitude, le père Ubu n'est pas mort. Le père Ubu est parmi nous. Il s'empiffre de shit food et s'abreuve de fake news. Le père Ubu, peroxydé, qui se targue de n'avoir pas le temps de lire un livre, vous savez bien ce que c'est un livre, ce parallépipède d'encre et de papier. Eh bien, le très génial et très stable Ubu des Amériques confesse volontiers n'en avoir pas l'usage. Vous imaginez notre Ubu prétendant lire, je dis bien lire in extenso, le dernier opus de Paul Auster, qui est pourtant un de ses concitoyens. Un mandat ne suffirait pas, et combien de tweets cela lui coûterait-il ? Et de combien de considérations pertinentes et essentielles serions-nous alors privés ? Vous avez maintes fois raison, cher Ubu, ne lisez jamais. Voyez Bouvard et Pécuchet, totalement abêtis de lecture. Pourtant, nous, modestes lecteurs, nous sommes récemment immergés, irresponsables que nous sommes, sans doute, dans la lecture d'auteurs, tous natifs d'un pays que vous semblez ne pas tout à fait apprécier. René de Pestre, Lionel Trouillot, Mackenzie Orcel, James Noël, Yannick Lahens, j'en passe, j'en oublie, qu'il veuille bien m'en excuser. Voyez-vous, cher Ubu, nous avons la faiblesse de penser, sauf votre respect, chère éminence grise, qu'un pays qui peut s'enorgueillir d'avoir vu naître ces auteurs-là n'est pas, ne peut pas être un pays de merde. Définitivement non, cher Ubu, Haïti n'est pas un shit hole country. Cinq coups de colère contre la peroxydation, je ne sais pas comment on va dire ça, de la culture. Absolument. Yeah. All I did was play it. I'm American, so I played it. I used to sing it in school. They made me sing it in school, so it's a flashback. Star Spangled Banner, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, vous salit bien, cher Père Ubu. This is a song for you. Spécial pour le Père Ubu blondinet. Vous aurez identifié qui c'est, on pense. On n'en dira pas plus. Eh bien, écoutez, si vous avez des doutes, posez-nous des questions, nous vous répondrons. Voilà. Quand nous aurons fini, non. Big Hamburger, yes. Alors, on a encore un petit peu de temps devant nous. On a une vingtaine de minutes devant nous. Ben, j'ai envie de... Une vingtaine de minutes, mais c'est un avenir. C'est tout un avenir. Hein. Ben, écoute, j'avais envie de m'immiscer en écho à cette musique de Jimi Hendrix, qui revisite un hymne national célèbre, qui le dérange, plus qu'il ne l'arrange, mais qui le dérange. Qui révèle à travers ça peut-être ce qui est caché de ce monde-là, bah, d'une bande dessinée qui me semble faire un petit peu écho, on pourrait dire qu'il fait un peu écho, c'est ce climat, comme disent certains amateurs de bande dessinée ou de cinéma ou de choses comme ça aujourd'hui, un univers un peu post-apocalyptique, hein, où... notre univers glorieux, technologique, capitaliste triomphant s'effondre avec une bande dessinée d'un auteur... C'est une fiction. C'est une fiction, oui, tout à fait. C'est complètement fictionnel. Avec une bande dessinée... alors c'est difficile de parler de bande dessinée à la radio, mais bon, on va essayer. Oui, mais quand Clapas aura l'image, ça sera... Voilà, ce sera plus de la radio. pardon. Donc c'est Enki Bilal, avec sa dernière bande dessinée qui est sortie, dernier album qui s'appelle Bug. B-U-G, Bug. Hein, tout le monde sait ce que c'est quand bug en informatique. Eh bien, Enki Bilal, qui est aussi, qui n'est pas simplement un dessinateur virtuose assez extraordinaire, qui est aussi qui a une capacité de scénariste aussi, qui est quelqu'un qui sait raconter des histoires, les inventer, il n'a pas besoin forcément d'un scénariste pour lui, a imaginé... nous a transporté en 2041, donc dans un avenir, somme toute, assez proche, voire très proche, où il y a un gigantesque bug informatique qui fait que tous les systèmes informatiques, plus aucun système informatique ne fonctionne, et que la mémoire de tous les ordinateurs s'est effacée. C'est une des grandes peurs du siècle. Hein, ça. Ce qui est une des grandes peurs du siècle, c'était le bug de l'an 2000, c'était un peu cette peur-là. Alors... Quand il en parle à la télévision ou à la radio, il dit ben, « Bon, ça, c'est l'idée de départ, mais tous les spécialistes affirment que mais c'est impossible aujourd'hui. » Bon, considérant que c'est impossible. Alors, c'est comme si on est en 2040, ben, il y a beaucoup de choses. Alors, il s'amuse un petit peu. Hein. Alors, on a beaucoup retenu les commentateurs et puis on a beaucoup retenu le côté humour, mais ça reste un album sombre, hein, comme Bilal sait les mener. Puisque bah, y a un côté humoristique, c'est que bah, les téléphones portables, il n'y a plus de téléphonie portable. La presse en ligne, bah, il n'y a plus de presse en ligne, donc il faut revenir à la presse papier. Le problème de la presse papier, c'est que bah, les ordinateurs marchent encore, mais il n'y a plus de correcteur orthographique dessus. Donc la presse papier, plus personne ne connaît les règles de l'orthographe, donc la presse papier sort bourrée de fautes. Qu'est-ce que c'est ça, l'orthographe ? C'est un truc bizarre, mais c'était un truc pareil, même qu'on faisait des dictées dans le temps. Ça figure dans le dictionnaire, ça. Le quoi? Le quoi? Orthographe. D'accord. Le quoi dans le quoi? Le dictionnaire, c'est une espèce de vieux pavé. Bon, voilà. Ça salit, ça provoque des allergies. D'ailleurs, vous voyez, j'en suis plein en ce moment à force d'avoir des livres autour de moi. Bon, et par exemple, il y a d'autres choses un petit peu amusantes. On a les personnes les plus riches ont des systèmes de lévitation personnelle. Hein. Bien sûr, tout ça est informatisé, marche avec les réseaux informatiques. Et puis, bah, quand ça tombe en panne, bah, les gens restent en l'air. Ils ne peuvent plus redescendre sur Terre. Donc, on a plusieurs personnalités qui sont comme ça, bloquées à quelques dizaines de mètres de hauteur. Il faut se débrouiller pour aller les alimenter, leur permettre de faire leurs besoins et ainsi de suite, parce que ce sont encore des êtres humains. C'est ce qu'on appelle vivre dans les hautes sphères. Et voilà, ils vivent vraiment. J'ai l'impression qu'effectivement, Bilal a dû s'amuser avec ça. Voilà, ils sont dans des hautes sphères, mais ils vont y rester dans leurs hautes sphères. Ils vont plus pouvoir en redescendre. Voilà. Et on a une série de choses comme ça. Et puis, on a. Vous savez, il y a souvent dans ces romans science-fiction, il y a souvent un personnage un petit peu investi, malgré lui, de pouvoir, on ne sait quoi. Ben là, il y en a un. Il a une chose extraordinaire. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Il y a quelque chose un peu qui fait penser à Alien, hein, le film Alien. Mais il a toute la mémoire du monde. C'est-à-dire que lui, il a. Les ordinateurs, les mémoires d'ordinateurs se sont vidées de partout, il n'y a plus rien, on n'a plus aucune information. Alors Wikipédia, n'en parlons pas, ça n'existe plus. Mais lui, il a absolument tout, tout en mémoire. Mais tout, alors tout. Les modes d'emploi des fusées extrêmement compliquées, les actes de naissance, tout l'état civil du monde, enfin voilà, il a tout ça en mémoire. Il me fait penser à Borges, parce que chez Borges, toute la mémoire du monde, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque. Voilà, mais là, sauf que la bibliothèque, elle est dans la tête d'un personnage. Voilà. Elle est dans la tête d'un personnage. D'accord. Et puis, bon, voilà, on va avoir, du coup, bien sûr, ce personnage-là, ça se sait, il est très, très, très recherché. Toutes les puissances internationales veulent l'avoir sous la main parce que il est très précieux. Quelle est l'explication de ce bug? On n'en sait rien. Où est-ce que ça va nous amener, cette histoire-là? Apparemment, Enki Bilal ne le sait pas trop, lui non plus, ce qu'il dit... Bon, il y en aura un, il y a un album, il y en aura deux ou trois au moins. Il dit bien, c'est le livre 1. C'est le livre 1. Donc, je suppose qu'il y en aura d'autres. Il y aura un livre 2, peut-être 3, peut-être 4. Il ne sait pas exactement encore aujourd'hui quand il en parle. En tout cas, c'est stimulant. Alors, en plus, c'est une bande dessinée. Vous savez, le format des albums est généralement du grand format. Et là, on est dans un plus petit format, qui est le format qu'on adopte aujourd'hui pour ce qu'on appelle le roman graphique. En général, alors est-ce que c'est du roman graphique ou de la bande dessinée? Je laisse les experts ergoter sur cette question-là. Pour moi, c'est plutôt une BD traditionnelle, mais dans un format un petit peu réduit, du coup, qui est assez agréable à feuilleter, à manipuler. On n'est pas, c'est peut-être moins esthétique que les grands albums, mais en même temps, c'est très manipulable. C'est un livre agréable à lire, voilà. Tu nous dis quelque chose de la palette, parce que moi, je l'ai feuilleté. Alors, voilà. Et effectivement, je dis palette parce que ce sont quasiment des peintures. Quoi, hein. Ah, alors, le dessin de Bilal est toujours dessin très... C'est quand même très beau. Sans virtuosité inutile, mais toujours très riche, avec beaucoup de travail sur des cadrages parfois assez extraordinaires. Il navigue entre le gros plan, le plan général. Et puis, effectivement, il y a une palette, c'est-à-dire qu'il y a une dominante colorée de l'album. Et c'est pour ça aussi que ça faisait écho avec le morceau que tu mettais tout à l'heure. On est dans des tonalités relativement sombres, des ocres verts, des bleus nuits, des gris. Il y a quelque chose de très... pollution atmosphérique, j'allais dire, un petit peu. On n'est pas dans un univers... Vous n'êtes pas obligé de porter un masque quand vous ouvrez le livre, par ailleurs. Non, non, non, pas tout à fait. Mais pas loin, pas loin. Hein. On a cet univers très... un peu traumatisant, un peu traumatisé, plutôt, peut-être. Et c'est d'une grande virtuosité. Hein. C'est du Bilal, j'ai envie de dire. Pour les amateurs de bande dessinée, ça dit tout. Hein. Ça dit beaucoup. Mais là, j'ai envie de dire, on retrouve le Bilal scénariste. Et puis, quelque chose qui est ce qu'on appellerait une dystopie, hein, aujourd'hui, pour les amateurs de science-fiction, dont on ne sait pas où elle va aller. Et l'auteur lui-même ne sait pas vraiment, dit-il, où il veut aller. Et en tout cas, c'est un petit peu inquiétant, parce que c'est bien une peur du siècle dont il nous parle. Enki Bilal, Bug, livre 1. Aux éditions Casterman. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'était pour la bande dessinée. Et puis, nous allons, je pense, prochainement nous cotiser parce que nous allons en envoyer un exemplaire à l'adresse suivante. Dear Ubu. White House, Washington, D.C. On a de la musique ou pas? Allez, une petite musique. écrite, composée par un immense contrebassiste qui s'appelle Gary Peacock. Gary Peacock qui a joué pendant 30 ans, je crois, au sein du trio de Kejaet. Il est ici avec un autre très grand musicien qui est Copland, qui s'appelle effectivement Mark Copland, qui est un pianiste que j'affectionne tout particulièrement. Ce titre, c'était Vignette. Vignette, Gary Peacock l'a déjà joué, effectivement, avec Kejaet précédemment. Pourquoi Vignette ? Parce que je voudrais vous dire quelques mots d'un livre qui s'intitule « Détail », qui a été écrit par un certain Marcel Cohen et qui était édité chez Le Bon Faiseur, à savoir les éditions Gallimard. Voilà. Alors Marcel Cohen, c'est un écrivain d'aujourd'hui que j'affectionne tout particulièrement. Mais avant que de vous parler de Marcel Cohen, je voudrais citer un autre écrivain que nous avons reçu très récemment à la librairie du Grain des Mots à Montpellier, à savoir Yannick Hanel. Yannick Hanel pour « Tiens ferme ta couronne », qui est son dernier livre, et qui nous dit la chose suivante, dans ce livre dont je vous recommande expressément la lecture, tellement je le trouve, comment vous dire, littéraire. « Un écrivain, me disais-je à mes amis, et quelqu'un dans la solitude manifeste un rapport avec la vérité et qui s'y voue à chaque instant. Il m'a semblé que ces quelques mots très brefs, trop lapidaires certainement, sont caractéristiques de la façon dont Marcel Cohen s'approprie les menus faits du quotidien, car c'est de cela qu'il s'agit dans détail, ce livre paru aux éditions Gallimard. Alors, c'est très éclectique, mais pour ce qui me concerne, j'estime que l'éloge de l'éclectisme est encore à faire et à renouveler quasi quotidiennement. C'est un livre dans lequel Marcel Cohen, qui est à la fois un passant, un quidam, dont nous parlions tout à l'heure, qui déambule dans Paris, ça fait un peu penser aux choses vues, ça fait un peu penser aux choses vues de Victor Hugo, qui donc remarque une attitude sur les quais du métro, remarque une affiche, remarque un vêtement, remarque une façon de se déplacer, et qui, à partir de là, eh bien, d'abord nous en parle, décrit excellemment, avec beaucoup de justesse et également beaucoup d'élégance et donc de retenue. Donc Marcel Cohen nous invite à participer à ces observations extrêmement fines, extrêmement précises, sur des questions tout à fait diverses. Hein. Il n'y a pas là de fil rouge thématique, sinon, effectivement, nous parler de ce qu'il voit, de ce qu'il entrevoit, une fois qu'il a observé autour de lui. Il fait aussi retour sur lui, hein, c'est quelque chose qu'il pratique effectivement dans le détail. Je vais vous donner un simple exemple. Je pense que, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi cet exemple. Il nous parle de ses livres. La bibliothèque idéale n'est-elle pas le lieu où les auteurs trouvent enfin leurs interlocuteurs ? Dans l'espace imaginaire des rayonnages, un dialogue se noue. Proximité, connivence, affinité ouvrent de nouvelles perspectives. Des pensées s'articulent. Et certains noms ne brillent pas d'une lueur si forte de génération en génération que leur rayonnement est presque l'essentiel. Ce qu'ils disent a été répété des millions de fois et on l'entend jusque dans la rue. Ne mérite-t-il pas mieux qu'un emplacement dû au hasard ? Quand de leur vivant, des auteurs se sont appréciés, a-t-on le droit de les séparer dans la mort ? Ces arguments laissaient son ami perplexe et les chameaux du grand vizir ne faisaient pas rire. Il nous explique, Marcel Cohen, que dans une bibliothèque, il serait incongru, il serait déplacé, il serait même d'une certaine façon inadmissible de séparer, par exemple, Rimbaud et Verlaine. L'ordre alphabétique ne résumera jamais l'ordre du monde. Marcel Cohen, détail chez Gallimard. Et l'arbre alphabétique dans les bibliothèques provoque des rencontres très, très, très singulières. Quand on pense que Brasillac et Breton sont pas loin l'un de l'autre. Et oui, d'où certainement un remue-ménage nocturne chez toi, Marc. Certainement. Il doit y avoir des batailles homériques. Il doit y avoir des batailles homériques dans la bibliothèque, je me le dis souvent. Bien, eh bien voilà, c'était Les Amis du Grain des Mots sur Radio Clapas 93.5. Si vous voulez, vous avez la curiosité de réécouter des émissions antérieures, il y a le site web de Radio Clapas sur lequel vous pouvez aller et vous trouverez les podcasts et vous pourrez entendre les anciennes émissions. Voilà, il y a aussi la page Facebook de Radio Clapas. Donc 93.5, Les Amis du Grain des Mots. N'oubliez pas, de temps en temps, passez dans la librairie, boulevard du Jeu de Paume à Montpellier. Et consultez notre blog également. Et le blog, et également le globe de l'association Les Amis du Grain des Mots, tout ça attaché et en petit, sans point, sans tirer, rien du tout, sauf .fr à la fin. Voilà. À très bientôt, à très bientôt à toutes et à tous. Et bonne lecture à vous.